Le rassemblement des ouvriers et syndiqués coréens consacré au 24e anniversaire de la promotion du général Kim Jong-il au poste de président du Comité de la Défense Nationale de la République Populaire Démocratique de Corée a eu lieu le 5 avril au Palais Central des Ouvriers à Pyongyang. Y ont pris part Lee Il-fan, chef de département du Comité Central du Parti du Travail de Corée, les syndicalistes, ouvriers et syndiqués. Le rapporteur et autres orateurs ont indiqué, entre autres, le général Kim Jong-il a réglé originalement le problème du mode de politique principal de l'État socialiste conforme à l'époque et au développement de la révolution et renforcé parfaitement la capacité d'autodéfense nationale. Et il a réalisé au niveau sublime l'unité monolithique entre le leader, le parti, l'armée et le peuple. Il a proposé les lignes et orientations originales comme la ligne de l'édification économique digne de l'époque de Sun Gun, afin d'opérer un nouveau changement dans tous les domaines de l'édification d'une puissance économique. Tous les syndicalistes, ouvriers et syndiqués sont appelés à honorer pour toujours le général Kim Jong-il comme soleil du jeté et à faire briller à jamais sa vie révolutionnaire glorieuse et ses exploits immortels accomplis dans la révolution de Sun Gun.